l'argent et ma locomotivation, ma source d'inspiration. Rien que la prononciation de son nom me donne des vibrations. Dans la route de la galère, c'est une déviation. C'est l'un de nos principaux sujets de conversation. La racine de notre société de consommation, le pognon, je lui fais une ovation. Lui déroule le tapis rouge en guise de paillasson. Comme la boisson, à consommer avec modération et éviter les mélanges avec les fréquentations. Pour ne pas mettre du piment dans vos relations, il fait plaisir comme une bonne fellation. Une fois qu'on y a goûté, c'est pas possible que nous nous en passions. Quoi que nous fassions, c'est une passion. Tous les moyens sont bons pour en avoir en notre possession. Ceux qui dealent ou font le trottoir, qu'importe la profession. Et il est aussi malheureusement la cause de nombreuses agressions. La cause de nos problèmes et à la fois la solution. La raison pour laquelle les gérants de la nation sont poussés par la tentation de croquer le fruit de la corruption. Le billet vert est une célébrité que nous idolâtrons. De toute entreprise, c'est lui le vrai patron. L'argent, j'y pense 24 heures sur 24 et 8 jours sur 7. Quand je réalise des dépenses ou quand j'amasse des recettes, car il permet d'avoir la foi et à la fois la chance d'avoir à manger dans son assiette. L'argent, j'y pense 24 heures sur 24 et 8 jours sur 7. Quand je réalise des dépenses ou quand j'amasse des recettes. Recettes. On est tous à la conquête des quêtes, donc c'est la compète. Car de la réussite, c'est l'argent, la recette. Tu chites à l'amour, tu sais tout s'achète. Que ça soit en billets, en CB ou en chèque. Et qu'il soit halal ou malhonnête, ça change ni sa valeur, ni le sourire qui s'affiche sur ma tête. Quand j'en ai pas en main, j'ai comme un point en moi. Mais quand j'en ai plein, soudain, ça fait un point en moins. On en a tous besoin pour prendre soin de soi. Et il peut même corrompre la foi d'un saint, qui pour ne pas mourir de faim, de soif, usera de tous les moyens qui justifieront sa fin. L'argent, j'y pense 24 heures sur 24 et 8 jours sur 7. Quand je réalise des dépenses ou quand j'amasse des recettes, car il permet d'avoir la foi et à la fois la chance d'avoir à manger dans son assiette. L'argent, j'y pense 24 heures sur 24 et 8 jours sur 7. Quand je réalise des dépenses ou quand j'amasse des recettes.